La compagnie des auteurs, c'est toute une équipe. Aujourd'hui, Gauthier Amiel, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Didier Pinault, Corinne Amar et derrière la console, Alexandre Dang. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième volet de notre série d'émissions consacrée à l'écrivain Romain Gary 1914-1980. Gary est par essence un écrivain qui transcende les frontières. Né à Vilno, dans ce qui deviendra la Lituanie, il a été naturalisé français et a vécu aux États-Unis. S'est marié à une Anglaise, Lacey Blanche, puis à une Américaine, Jean Seberg, mais s'est toujours revendiqué français. La carte d'identité de Gary, c'est Jean-Marie Cattonnet qui l'a esquissée pour nous lundi et cette émission est toujours disponible en podcast. Cause ou conséquence de cette vie qui enjambait les frontières, Gary a écrit dans plusieurs langues, l'anglais et le français majoritairement. Jean-François Angouette nous a parlé hier de cette problématique essentielle chez lui, en même temps qu'il a évoqué Ajar et son livre Gros câlin. Enfin, demain, Guillaume Sellem viendra creuser la question de l'identité chez Gary, cet homme qui n'a cessé de se raconter dans ses livres sans jamais pourtant ôter le masque. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, je reçois celle qui est, parmi nos invités, la personne qui fut la plus proche de Romain Gary. Myriam Anisimov est l'auteur d'une biographie de référence intitulée « Romain Gary, le caméléon » publiée chez De Noël. Elle a également fait paraître, en mars dernier, un récit intime dans lequel on retrouve Romain Gary lui-même, qu'elle a connu et aimé, sous le titre « Les yeux bordés de reconnaissance ». C'est aux éditions du Seuil. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Profondément, je crois que je me suis cristallisé sur le plan humain, même littéraire, en Californie et par la Californie. Le danger, c'est que comme dans tous les pays qui vous incitent à la méditation, à la relaxation, etc., vous vous asseyez dans un fauteuil, vous avez 20 ans, vous levez, vous en avez 70, vous comprenez? Le temps passe sans saison, le temps passe très vite, d'une manière extraordinairement rapide, plus que n'importe où. Vous savez, le bonheur, finalement, ça consiste en quoi ? Ça ne consiste pas à lire des chefs-d'œuvre immortels ou à en faire. Ça ne consiste pas à manger des plats cuisinés extraordinairement soignés, à avoir la plus belle femme du monde, à avoir une collection de peintures. Qu'est-ce que c'est le bonheur ? Le bonheur, ça veut dire être assis quelque part dans un coin et se sentir bien. Bonjour Myriam Anisimov. Bonjour. Ça fait longtemps que vous avez entendu cette voix pour la dernière fois ? Eh bien oui, ça devait être au début de l'été ou un peu plutôt à l'automne 77, pour être tout à fait exact. Alors il vient... Enfin, en chair et en os, oui. Je veux dire. Sinon les archives, vous les connaissez bien, j'imagine. Oh là là, oui. Je suis bien placée pour ça, oui. Ouais. Alors il disait en archives, Romain Gary, que... La Californie, finalement, sur le plan humain et aussi sur le plan de son travail littéraire, ça avait été extrêmement important. On pourrait rajouter, et on va rajouter aussi, ces années passées à New York. On va parler pendant la première partie de cette émission de son rapport aux États-Unis. Est-ce qu'il vous en parlait, lui, parfois ? Est-ce que vous avez eu ces conversations ? Pas du tout. Gary parlait pas du tout de tout ça, en tout cas pas avec les filles. Qu'il espérait séduire ou pas, d'ailleurs. Pourtant, la Californie, ça donne envie, non ? Non, mais ça, ils considéraient pas qu'on était digne de ça. Ils s'enquéraient de choses beaucoup plus intimes. Et puis, vous savez, c'était un grand déprimé. Tout ce qu'on peut entendre est le contraire de ce qu'il pensait, le contraire de ce qu'il pensait vraiment réellement. Mmh. Et c'était un homme plutôt silencieux, enfin, tel que je l'ai connu à la fin de sa vie. Dépressif à un point inimaginable. Plutôt maniaco-dépressif d'ailleurs, avec des sautes d'humeur d'une amplitude impressionnante, enfin pour moi qui était une jeune fille à l'époque, enfin une très jeune femme, et donc il parlait pas de choses comme ça du alors, tout. On va avoir l'occasion mais de j'ai revenir... retrouvé tout ça bien sûr, mais si vous voulez, la seule chose qui ait pu me guider pour le connaître mieux, et c'est l'aveu qu'il m'a fait dans, disons, notre première entrevue intime, où là, il s'est démasqué, sachant qui j'étais très vite, parce qu'il était beaucoup plus futé que moi à l'époque, donc il a tout de suite vu à qui il avait affaire, il m'a fait une sorte de... Avait-il affaire? On avait fait une émission de télévision ensemble. Moi, j'étais vraiment une grande rien du tout. Enfin, une jeune romancière qu'on avait prise parce que j'étais jolie à l'époque. Enfin, c'est comme ça qu'on m'a présenté les choses. Et puis, j'étais entourée de stars, donc de Gary d'un côté, de Benoît Groult de l'autre. Et à l'époque, on pensait que j'aurais rien à dire. Enfin, je m'en suis sortie très bien, d'autant plus que Gary était tout à fait grand seigneur et qu'il n'a pas cherché à tirer la couverture, si je puis dire. Et... notre première conversation, il était très machiavélique. Donc, il m'a offert au bout de 3 ou 4 fois où on s'est vu. Il m'a demandé ce que j'avais lu de lui. Alors, oui, j'étais bête. J'avais lu que La Promesse de l'Aube. Je connaissais pas son œuvre, pour ainsi dire. Et donc, il m'a dit, tu dis que des conneries d'une part. Il sous-estimait beaucoup ce que je pouvais lire. Et, il m'a offert La Danse de Gengis Khan, qui est un chef-d'œuvre, à mon avis, un livre en tout cas génial. Et donc, évidemment, je suis tombée dans l'univers qui était celui de ma naissance. On va parler de tout ça, puisque c'est ce que vous racontez dans Les yeux bordés de reconnaissance, que vous venez de faire paraître en mars dernier au Seuil. Mais d'abord, revenons peut-être aux années américaines de Gary. Ça commence en octobre 1951. C'est quand Henry Hopno, qui est donc le représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies, propose à Gary de venir le rejoindre à New York. Oui, alors... Le destin de Gary au Quai d'Orsay aussi a l'air fait de paillettes, alors qu'il a été très malheureux d'une manière générale. Toujours pendant toute sa carrière. Oui, d'abord parce qu'il y avait des obstacles. Il est rentré parce qu'on appelait le cadre latéral, parce que De Gaulle voulait engager au Quai d'Orsay des gens qui n'avaient pas collaboré. Et à part Henri Hopno, il n'y avait personne. Donc Georges Bidault a été chargé de recruter des intellectuels résistants. Donc Gary, il avait tout pour déplaire. Il était résistant, mais il était juif. Mmh. Et très vite, on lui a d'ailleurs demandé de changer son nom pour l'annuaire du Quai d'Orsay. Alors j'ai retrouvé la lettre, on lui dit Katzef, non pas... est-ce que vous pourriez prendre votre nom de guerre? Ce qu'il a fait... Ah, parce qu'il n'avait pas totalement abandonné son nom de... Mais pas du tout. C'est là, il l'a appris un peu très mal, quoi. Parce qu'on lui avait dit, ah oui, vous savez, Katzef dans l'annuaire du Quai. Il a dit, alors légalisez-le, puisque... Il avait besoin de gagner sa vie. Il était sans travail, sans offre, sans aucune perspective. Donc, il est rentré avec des postes extrêmement modestes. Et quand il est rentré de Sofia, on lui a proposé des postes où il a été refusé. Enfin, on peut dire parce qu'il était juif, puisque l'ambassadeur de Grèce a dit « Je ne veux pas d'un bulgare dans mon ambassade ». C'est une façon de le dire. La Moscou l'a refusé aussi. Et après tous ces échecs, c'est Henri Hopno, qui était un mécène et un homme de grande culture, écrivain lui-même, qui a dit « Enfin, je m'ennuierai pas avec quelqu'un. Au lieu d'avoir un ennuyeux diplomate, je vais avoir un artiste ». Et donc, il l'a recruté. Pour oui, Berne, d'abord. Pourtant, j'avais lu, ou j'ai entendu en archive, Gary lui-même dire qu'au fond, le Quai d'Orsay, c'était formidable, parce que c'était très libéral et qu'on faisait ce qu'on voulait au Quai d'Orsay. Il ne pouvait pas dire le contraire, vu que sa feuille de paye tombait et qu'il avait besoin de travailler. Donc, mais il n'était pas obligé d'insister. Si, enfin, il coiffait le Quai d'Orsay dans le sens du poil, d'autant plus qu'on lui mettait des bâtons dans les roues et que ça, son, si vous voulez, sa carrière, il a déjà a été pas aussi brillante qu'on veut bien le dire, puisqu'il n'a jamais été nommé ambassadeur et que Couve de Murville s'y opposait d'une manière formelle. Il le haïssait et il a dit « moi vivant, jamais ». Donc, vous voyez, sans Hoppenot, je ne sais pas ce qu'il serait devenu. Enfin, donc grâce c'est à... comme ça qu'il arrive à New York. Grâce à Hoppenot, le voilà à New York. Alors évidemment, sa femme à ce moment-là, Leslie Blanche, n'est pas là. Elle est en Afrique. C'est pas grave. On y va. Mais oui, parce qu'ils se sont mariés dans un gentleman agreement, si on peut dire. Gary avait un immense respect pour cette femme qu'il avait sortie de l'anonymat, qui avait publié, enfin fait publier son livre à Londres en anglais. Le premier, l'éducation européenne en langue anglaise, et donc il lui devait quelque chose. Et cela, c'était d'autant plus facile que la femme qu'il aimait, il ne l'avait pas encore retrouvé sa trace. Oui. En fait, et on en parlera aussi, puisque vous en parlez aussi donc, dans votre livre. Donc, il a épousé Leslie, ils se sont mis d'accord sur leur façon de vivre ensemble ou de pas vraiment vivre ensemble. Enfin, lui, peut-être qu'il était au clair là-dessus, mais visiblement, pour elle, ça a été plus difficile. Pas tellement, parce que c'était une femme à homme. Elle trouvait les Anglais sans charme et sans expérience sexuelle, telle qu'elle me l'a dit. Donc, elle cherchait l'aventure au Moyen-Orient et elle a pris Gary. Elle a trouvé Gary tellement exotique, comme elle m'a dit, qu'elle s'est littéralement jetée sur lui. Et à l'époque, Gary habitait une caserne à Londres. Donc, voilà, il était très admiratif. Puis, elle lui a fait pénétrer un monde où lui, le petit juif polonais, ne serait jamais entré sans elle. Donc... il y avait vraiment une entente très chaleureuse entre eux. Donc elle finit par le rejoindre à New York. Oui, après ses multiples voyages en Orient, oui. Et là, elle trouve un appartement dans un état incroyable, la vaisselle est cassée. Mais il s'en foutait complètement. Alors, si vous voulez, tout ce qu'il raconte sur les femmes, la fraternité, tout ça, il était un vrai goujat, enfin, d'une certaine manière, un peu brutal, mal dégrossi. Et donc, les porcelaines de Leslie Blanche, il n'en avait vraiment rien à foutre. Et donc, il a rien fait du tout. Il est arrivé, il a séduit une femme sur le bateau qui l'emmenait d'ailleurs à New York. Et c'était tout le temps comme ça, une aventure, plusieurs par jour. Et par contre, ça va être... un séjour assez difficile, New York. Enfin, paradoxal, comme toujours, dans sa vie. Alors, Leslie Blanche, évidemment, n'est pas très contente de cet accueil qui n'est pas très chaleureux. Apparemment, ils en viennent à se jeter des rôtis à travers la figure. Non, c'est elle qui lui jette un gigot sur la tête, oui. Parce qu'elle, elle avait conservé sa bonne éducation. Il se vouvoyait. Ça devait faire un drôle d'effet à Romain qui avait parlé yiddish dans son enfance. Donc, il se vouvoyait et elle conservait un certain nombre de formes, enfin, dans ses relations, même avec son mari. Donc, il y avait une forme de violence quand même chez Gary. Comment ? Mais il était horriblement incontrôlé. Pas désireux de faire du mal, pas désireux de... mais incontrôlé. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous parlons de Romain Gary avec Myriam Anisimov. Alors on va le laisser à New York où ça ne s'est pas très bien passé finalement à l'ONU, on ne lui donne pas tellement... Il est attaché de presse en fait, il n'a pas un poste de responsabilité. Cela dit, comme il comprend le russe, il le baragouine, il baragouine les langues de l'Est. Oui, il parle polonais quand même. Pas plus que ça. Moi, j'ai fait vérifier son polonais par le petit ami de ma maman, ah oui, et qui avait lui fait le lycée en Pologne. Il m'a dit, oulala, je sais pas où il est allé, mais il n'y a pas un mot. Oui, c'est ça, Gary. Et donc, pour en revenir à ce que nous disions au début et qui m'a guidée pour mon travail futur sur Gary, c'est que on a eu une altercation à propos de la langue yiddish, qui était sa langue maternelle. Voilà. Mmh. Mais donc, à New York, surtout, ce qui a été le plus grave, c'est pas sa carrière, parce qu'il était assez heureux de vivre à New York, c'était que ses livres, après l'éducation européenne, n'avaient aucun succès, c'était des flops, et que Leslie, elle, triomphait, littérairement parlant. Donc, ça, c'était insupportable pour lui. Oui, il était désespéré parce que il écrivait à Gaston Gallimard, puis à Claude. Enfin, j'essaye encore une fois. Et puis, si vraiment c'est aussi lamentable, je vais renoncer. Oui, mais il pouvait pas vraiment y croire, si. Je sais pas. Peut-être qu'il disait ça. Enfin, il faisait l'âne pour avoir du foin. J'en sais rien. Mais il était très désespéré de l'accueil du Grand Vestiaire, par exemple. Oui. Enfin, aussi, il écrivait pas mal sous pseudonyme, puisque c'est à ce moment-là que paraît l'homme à la colombe sous le pseudonyme de Fausto Sinibaldi. Je crois, bon, il y a les gariolâtres, arrête pas d'emphatiser là-dessus, mais c'est pas vrai. Simplement, il voulait surtout pas faire de gaffe au quai et se faire virer pour une affaire comme ça. Il trouvait que l'ONU était une affaire abominable, ça n'a pas beaucoup changé. Et donc, il a par courtoisie mis un pseudonyme, mais c'est pas aussi fondamental qu'on veut bien le dire, c'était une nécessité. Alors si on vient d'écouter California Dream, c'est pas pour continuer de parler de New York, c'est pour dire que quand même, finalement, Gary finit par être nommé à un poste qui va, pour le coup, tout de même l'intéresser, puisqu'il devient consul de France à Los Angeles. Oui, alors, c'est son premier poste relativement important, enfin, toutes choses égales, c'est... Il est toujours pas conseiller. Hein. Enfin, ça va prendre un temps fou et c'est Hoppenot qui va écrire au général de Gaulle, vous voyez, pour obtenir cette chose, enfin, qu'on refuse à Gary. Alors que des gens qui ont collaboré et qui sont rentrés bien plus tard au quai montent les échelons très facilement. J'ai eu tout son dossier sous les mains. Et donc, il arrive là-bas. Et pour vous donner le type, faut aussi voir comment il pouvait être perçu par le quai. J'ai donc retrouvé sa secrétaire et une de ses... maîtresse, amie, enfin, une femme absolument adorable, qui était chinoise par son père et bretonne par sa mère. Donc, elle me dit, elle arrive un matin au quai, à Los Angeles, c'était une villa à l'époque assez modeste, hein, le siège du consulat. Alors, il y avait une partie qui était l'appartement du consul et de son épouse, et puis une partie en haut qui était les bureaux. Donc, elle me dit, j'arrive le matin, je vois un mec que je connaissais pas dans la cuisine, en slip, en train de manger des carottes crues. Et elle lui a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il lui a dit, je suis votre patron. Ça fait la première prise de contact. Je peux vous raconter deux ou trois anecdotes désopilantes qui montrent que, évidemment, quand il s'est retrouvé en face d'Yvonne Petremant, qui était une femme extraordinaire par ailleurs, mais qui était une professionnelle du quai, ou d'autres gens Dimanchin, qui étaient des fonctionnaires types du quai, ils étaient complètement scandalisés par Romain. Oui. Par sa personnalité. Mais c'est très vrai bien qu'on se travail. Demande un petit peu comment son tempérament, son attitude pouvait être compatible avec l'exercice de la diplomatie. Parce que ce qu'il fait surtout et intelligent, à Hollywood, quand il fallait, il mettait c'est de fréquenter son des acteurs et de donner des réceptions. Et puis laisse travailler ses collaborateurs. Non, il faisait le boulot, enfin, quand ça l'emmerdait pas trop, si je puis dire, trivialement. Comment vous dire ? Donner une conférence, par exemple, il pouvait, sur la route qui l'emmenait à 200 ou 400 kilomètres, donner une conférence, s'ennuyer atrocement au volant, qui conduisait déplorablement, décider que la route était insupportable, jeter Leslie dans un hôtel en lui disant « Débrouillez-vous, vous direz que vous êtes la femme du consul, j'enverrai une facture, et moi, j'en ai marre, je rentre, et vous leur direz que je suis malade. » Alors, il pouvait ne pas se rendre au rendez-vous. Quand elle organisait de magnifiques dîners, puisque elle travaillait pour le cinéma, et elle était vraiment une femme très importante à Hollywood, et les gens se déplaçaient dans ce quartier pas très chic pour elle. Et elle a introduit Gary dans le milieu du cinéma. Et donc, la première chose qu'il faisait, c'était de regarder s'il y avait une jolie femme avec qui, à côté de qui il pouvait s'asseoir. Oui, Jean Seberg a conservé cet extraordinaire, il l'aura jusqu'au bout, et elle a conservé cette extraordinaire candeur, ou dans le sens de pureté, qu'il faut pour croire. rien sur ce plan, rien ne peut la décevoir, rien ne peut lui arriver. C'est d'ailleurs assez caractéristique de l'Amérique, parce qu'on se moque très souvent de l'idéalisme américain dans lequel on tend à voir une simple manœuvre et un alibi, et c'est complètement faux. Il y a un idéalisme profond chez l'Américain, et qui subit des destins et des cheminements divers. Mais si vous voyez par exemple ce qui se passe maintenant en Amérique, où 17 officiers, dont les généraux et les officiers supérieurs, vont être jugés à cause du massacre au Vietnam, vous savez, le massacre des civils au Vietnam, je crois pouvoir dire que ce n'est concevable dans aucun autre pays du monde, et ça ne s'est jamais vu ni en Angleterre de l'Empire, ou de Malaisie, ni dans la France, de l'Indochine et de l'Algérie. Ça correspond quand même à un sentiment d'idéalisme profond qu'il y a chez l'Amérique, que je retrouve chez Gene Seberg à tous les tournants, ce qui est pour moi, qui suis un vieil Européen chargé de pessimisme et de scepticisme, extrêmement, je dirais bien le mot, irritant. La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est donc à la veille des fêtes de Noël 1959 qu'une femme se présente au consulat de France en compagnie de son mari François Moreuil. Cette jeune femme, c'est Gene Seberg. Et son mari souhaitait la présenter au consul pour que ce dernier prenne soin d'elle, ce qu'il a fait. Peut-être pas de la manière dont M. Moreuil l'aurait souhaité. Il l'a très mal pris, mais en fait, il menait une vie comme on l'a menée à l'époque, libre chacun. Et était profondément fascinée par Gary. C'est plutôt elle qui a pris l'initiative, parce que des femmes, il en avait tellement que... Bon, elle était ravissante, cette toute petite créature de 18 ans, menue, jolie, les yeux brillants, et qui le regardait avec des yeux grands comme des soucoupes. D'ailleurs, Leslie s'y est pas trompée, elle a tout de suite senti que là, il y avait vraiment un danger. Les maîtresses, elles s'en foutaient, il y en avait tellement de toute façon que ça n'avait plus d'importance. Mais là, elle a senti que réellement, il se passait quelque chose de nouveau et d'important. Et Gary a été flatté, en même temps... bien sûr, un homme de 45 ans, voyant cette jeune fille qui se jetait à sa tête, il était très séduit. Sans doute ne voulait-il pas que les choses allassent aussi loin qu'elles ont été, tout en l'aimant. Mmh. Et c'est Los Angeles, la ville où sera écrit « Chien blanc », ouais. Et également où est... magnifique livre. Où se passe l'action de Chien blanc. Ce serait bien qu'on en parle un petit peu, parce que c'est vraiment un livre sur Jane Seberg. Mais c'est peut-être autre chose aussi. C'est peut-être un livre sur le militantisme. C'est peut-être un livre sur l'idéalisme. Oui, ça le révoltait, parce qu'elle a été... Elle était telle qu'il l'a décrite dans ce que vous venez de diffuser. Elle était vraiment comme ça, profondément naïve et profondément bien intentionnée. Mais elle a été utilisée par les Black Panthers qui lui ont détruit sa vie, qui lui ont détruit sa carrière, qui l'ont ruinée. En dépit de tout ce que Gary a fait pour la mettre en garde et éventuellement essayer de les chasser de leur maison quand ils étaient là-bas. C'est-à-dire qu'elle a été utilisée parce que... Pour l'argent, d'abord beaucoup pour l'argent, et puis ça s'est retourné, enfin c'est un effet de boomerang. Évidemment, les services secrets, la CIA et le FBI, ont commencé à la surveiller, puisqu'elle donnait tous ses cachets à cet horrible Hakim Jamal, qui était un assassin, un bandit, un sadique, qui la torturait d'ailleurs, qui la malmenait. Et à ce moment-là, si vous voulez, ils ont fait paraître des articles dans la presse à Hollywood. Elle était devenue une actrice à ne pas engager. Déjà, elle n'avait pas une cote extraordinaire comme en France, pas du tout. Et en plus, le FBI faisait tout pour la salir et pour qu'elle ne soit plus engagée. Et c'est la culpabilité que ressentait très profondément Gene Seberg, d'abord parce qu'elle était protestante et aussi parce qu'elle avait énormément de succès, et cela très jeune. C'est donc sur cette corde-là, la culpabilité, que jouaient en l'occurrence les Black Panthers. Non, mais dès son enfance, c'était une gamine adorable. Elle avait vu dans son dans sa petite ville de Marshalltown, comment étaient traités les Noirs. Elle était horrifiée et déjà à 14 ans, elle avait adhéré à une société pour l'amélioration de la condition des Noirs et des droits civiques. C'était vraiment quelqu'un qui avait une belle âme, Jean Seberg, mais eux, ils étaient parfaitement cyniques. Ils ont dit exactement à Hakim Jamal, je suis désolée d'être vulgaire, tu vas utiliser ta verge et nous allons tout lui prendre. Ce qu'ils ont fait. Et Chien Blanc prend une métaphore pour expliquer les conséquences de cela, c'est la métaphore du chien qui est un chien raciste. Non mais c'est la vérité, on dressait des chiens à agresser les Noirs. C'est pas une métaphore, c'est c'est à la fois une métaphore littéraire. Oui, c'est à la fois une métaphore quand même. Bien entendu, mais en effet, c'est une réalité, réelle. Pas une, des histoires. Ouais. On dressait des chiens pour égorger les Noirs. Et donc, il se pose la question de savoir, parce que au moment où la personne qui vient nettoyer la piscine, qui est noire, entre dans la maison, eh bien, cette personne se fait mordre en fait par le chien et se pose donc la question de tuer le chien. Voilà un extrait qui raconte ce qui se passe ensuite. J'arrête la voiture près de la Croix du Pèlerin et je fais sortir Batka. Je prends le revolver. Batka me regarde. Il sait. L'instinct. Il baisse la tête. Je vise derrière l'oreille. Chien Blanc attend. Ma main tremble. Je pleure. Les larmes noient tout. Le chien se brouille. Je tire. Je le rate. Le chien n'a pas bougé. Il ne m'a pas regardé. J'ai l'impression d'avoir raté mon suicide. Chien Blanc lève les yeux vers moi, puis se détourne et attend. Je suis pris de vomissements. Le revolver glisse dans ma main mouillée. Chien Blanc vient ici. Il se lève péniblement et fait un pas vers moi, renifle le canon de l'arme. Non, merde, jamais. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des Noirs? Ce sont des hommes comme les autres. Je ne suis pas raciste. Et puis, une balle dans la tête de cette bête. Il y a un nom pour ça, monsieur Romain Gary. Défaitisme. Capitulation devant l'ennemi. Je vais vous laisser commenter cet extrait, Myriam Lenisimov. Ah je suis toute bouloversée d'avoir de réentendre ce texte. Lu par Jean Lucas, je le précise. Oui, mais c'est très beau. Et oui, puisque par la suite, donc, la suite du récit raconte comment le chien va être dressé à l'envers à mordre les Blancs. Et finalement, il va mourir, ce chien. Et c'est aussi la fin, enfin, tout ce livre extrêmement tragique se passe au moment où le mouvement noir, les Black Panthers, les épouses d'Hakim Jamal et des autres membres des Black Panthers trouvent que Jean tient trop de place. Et donc, on va lui empoisonner ses chiens, ses chats. C'est une catastrophe et Gary essaye de sauver Jean, vraiment. Et il y a l'histoire du chien, qui est une histoire véritable, qui leur est arrivée. Et finalement, puisque le chien est pourchassé par la police, et il va mourir d'épuisement devant leur maison. Et il essaye de faire rentrer Jean à Paris. Elle refuse pour sa perte. Et il rentre tout seul à la veille des événements. Il arrive au milieu des événements de mai 68 à Paris. Mais le chien, lui, évidemment, a été dressé dans un sens ou dans un autre. Donc il est d'une certaine manière innocent. Qu'est-ce que, adapté à la société, au monde dans lequel vivait Romain Gary, ça signifiait pour lui, ça? Mais Gary, ce que ça a signifié pour lui d'une manière générale, puisque je lui avais demandé de militer avec moi pour la libération des Juifs d'Union soviétique. À l'époque, je m'occupais de ça et de sauver des gens qui étaient au cachot dans les prisons de Moscou et dans les goulags. Et il m'avait dit je ne m'engagerai pour rien, plus jamais pour rien. C'est-à-dire qu'il était contre toute forme de militantisme. Et quand j'avais par malheur donné son téléphone, à quelqu'un, un avocat qui s'occupait de ce mouvement dont je viens de vous parler, il s'était mis très en colère. C'était ça finalement, le refus de tout engagement. « La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Myriam Anisimov, on va marquer une pause dans cette émission, le temps de retrouver Michel Crépu, directeur de la NRF, pour En compagnie des revues. Bonjour Michel. Bonjour. Au sommaire de la nouvelle revue française actuellement en kiosque, on trouve par exemple des lettres de jeunesse de l'écrivain Jacques Audiberti à son condisciple au lycée, Émile Condroyer. C'est le nom de son condisciple. C'était pas le nom du lycée. Pas le nom du lycée. Pas encore, il est pas si célèbre finalement, Émile Condroyer. Lycée qui se trouvait à Nice et c'est une correspondance probablement qui, enfin, sinon la première, en tout cas, fait partie vraiment des premiers mouvements épistolaires de. Oui, parce qu'il a quoi, 15 ans, 16 ans, c'est oui, ça. Oui, c'est ça, ou 14 ans, enfin. Et c'est une correspondance tout à fait étonnante qui montre déjà à quel point Audiberti est un, je ne sais pas comment dire, un parleur de la langue française. C'est quelque chose de tout à fait stupéfiant et qui n'a cessé de se vérifier naturellement ensuite à travers son œuvre d'écrivain et d'homme de théâtre. Mais là, dans le caractère intimiste de l'échange épistolaire, c'est tout à fait étonnant. Un parleur, un lecteur aussi, un grand parleur, lecteur. Un lecteur qui en effet, brasse et j'allais dire redistribue ses propres lectures. Je pense par exemple à un passage où il évoque Madame de Sévigné. Il n'hésite pas à dire qu'il va faire la même chose que Madame de Sévigné avec le français, et il le fait. Et c'est quelqu'un de aujourd'hui d'un peu. Je ne sais pas pourquoi, d'un peu effacé, d'un peu oublié, et je trouve que cet oubli d'Audiberti est profondément injuste. Et d'ailleurs, j'espère me tromper en disant ça. Après tout, peut-être que certaines pièces de théâtre, notamment, continuent d'être jouées. Je ne sais pas. En tout cas, je le souhaite vivement. C'est un écrivain, un très grand écrivain de la littérature française. Et qu'on découvre aussi donc un petit peu intimement dans ces années de lycéen, qui est d'ailleurs très réticent vis-à-vis des choses qu'on essaie de lui enseigner. Alors également au sommaire de la NRF, Michel, un extrait de La version selon Marc, Histoire simple, 100 pages. C'est le titre du livre du Hongrois Peter Esterházy, qui est mort en 2016. Voilà, qui est mort il n'y a pas longtemps et qui laisse une œuvre qui, à mon sens, alors ça nous éloigne tout à fait d'Audiberti, mais finalement pas tant que ça, d'une certaine manière, parce que Esterházy a été un écrivain d'Europe, non pas tant par les idées, mais par le langage, encore une fois. Et c'est un baroque. Il faut lire Esterházy comme un architecte baroque de son texte. Il y a un grand livre de lui qui s'appelle Harmonia Celestis qui le montre. Et ces pages selon Marc qui sont dans ce numéro de la NRF montrent encore à quel point Esterházy était un écrivain profond. Le mot baroque, l'adjectif baroque est surutilisé, sursaturé. Tout est baroque aujourd'hui, mais là, en l'occurrence, je crois qu'on a vraiment quelqu'un. En plus, enfin, la Hongrie, l'Europe centrale sont vraiment le lieu même, la matrice de c'est un grand nom de la Hongrie, d'ailleurs, Esterházy. Oui, tout à fait. Et là, c'est une des grandes familles. De la Hongrie et Peter Esterházy doit être et apparaît à travers ses pages posthumes apparaît vraiment comme un grand artiste de l'art baroque. Eh bien, plus à découvrir dans la NRF et puis son livre est d'ailleurs aussi, je crois, dans la collection du monde entier disponible chez Gallimard. Merci beaucoup Michel Crépu, à bientôt. Prenons le cours de cette émission, cette compagnie des auteurs consacrée à Romain Gary sur France Culture. Nous le reprenons ce cours en l'écoutant parler de sa mère dans un entretien à André Bourin qui date de 1969. Et étant donné que je suis né dans les steppes de la Russie centrale, que ma langue maternelle, la première, est donc le russe, que je me souviens encore, et cela ne me rajeunit pas pour employer la formule conventionnelle de tous les gens vieillissants, je me souviens de la révolution à Moscou, je me souviens de ma mère me couchant par terre, place rouge, place du Kremlin, alors qu'on tirait, je me souviens, des balles, je me souviens de coups de feu. Et vous étiez cependant bien petit. J'étais bien petit, vous êtes né, je crois, le 8 14. Mai 14. Mais je me souviens de cela très clairement. Je me souviens aussi des jours qui suivirent la révolution. Ma mère était comédienne au théâtre. Elle jouait pour les soldats à l'époque, pour les comités d'ouvriers, pour les soviets. On allait d'usine en usine, dans des traîneaux, et en plein hiver. Et ma mère m'amenait toujours partout avec moi. Je me souviens des soldats russes, d'ailleurs. Je me souviens de ces soldats de l'armée rouge qui étaient tous très gentils avec moi. Vous savez, il y a une chose que l'armée rouge a en commun avec les GI américains, c'est leur amour des enfants. Ils adorent les enfants, ils sont très à l'aise avec eux. J'ai été gâté par les soldats pendant le spectacle, alors que ma mère était en scène. Ma mère n'était pas une grande et célèbre comédienne. Elle était, disons le mot, une petite comédienne. Je me souviens même d'une chose assez drôle, c'était la représentation d'une pièce d'Ostrovski. Et il y avait un village qui brûlait en scène. Et ça s'appelait, je ne sais pas si c'est d'Ostrovski, je me souviens le titre même, La mort de l'espoir, ça s'appelait. Et ma mère jouait une très vieille femme, on évacuait le village. C'était le grand moment de ma mère, elle traversait la scène. Eh bien, il n'y avait pas moyen de faire traverser la scène à ma mère, elle s'accrochait. Elle ne voulait pas bouger pour rester le plus longtemps possible en scène. Alors comme ça, Myriam Anisimov, Romain Gary allait d'usine en usine en traîneau. Il a fait la révolution bolchevique avec sa mère qui était actrice. Ouais, il est aussi mythomane que sa pauvre maman. Enfin, il y croit, j'espère qu'il était... il se moque d'André Bourin là. Je ne sais pas pourquoi il a voulu imposer ça. Je pense que d'ailleurs il disait la vérité. Ça consiste à ne pas se faire prendre. Hein. Et puis, dans Les Enchanteurs, il dit « c'est un formidable d'inventer... » Enfin, il faut inventer une légende et que les gens la croient. Alors là, elle est parfaitement pas crédible. Hein. Et malheureusement pour lui, je pense qu'il doit me maudire. J'ai retrouvé beaucoup d'archives. J'en ai constitué. Et donc, sa maman, elle... Voilà comment il procédait. Hein. Il tirait un fil très fin d'un embryon de vérité. Que sa mère avait fait partie de mouvements de jeunesse dans son shtetl, qui était à la frontière russe, mais du côté polonais, qui s'appelait Svensian. Et là, les mouvements de jeunesse se cachaient des autorités tsaristes en prétendant faire des... Puis c'était une tradition chez les Juifs d'avoir des activités culturelles, c'était du patronage, ils faisaient un peu de théâtre, des chorales. Ça, c'était l'activité de sa mère. Mais sa mère, en tant qu'adulte, elle faisait des chapeaux. C'était un métier de juif, mon grand-père l'a exercé, et ça consistait surtout à rénover les chapeaux, parce qu'à l'époque, on sortait pas dans la rue sans chapeau, et les gens, ça coûtait très cher un chapeau, donc les juifs, les chapeliers, restauraient les chapeaux. Ça, c'était le métier de Madame Katzeff. Alors vous, quand vous avez rencontré Romain Gary, vous nous avez dit tout à l'heure comment, à cette émission de télévision, vous travailliez aussi à l'époque un peu dans les vêtements, vous faisiez du tri, je crois, de vêtements, et il vous disait « tu me fais penser à ma mère ». Oui, avec moi, il ne se gênait pas beaucoup parce que immédiatement, d'abord on s'est engueulé immédiatement sur la langue yiddish. Vous savez, comme je vous ai dit, il m'a donné à lire la danse de Gengis Khan. Il y avait beaucoup de mots empruntés à la langue yiddish. Je lui ai dit qu'il faisait des fautes. Il m'a dit qu'il parlait yiddish avant que je sois née, que c'est moi qui me trompais, peu importe. Enfin, donc, immédiatement, il s'est instauré une complicité. Il avait bien vu d'où je venais et moi, j'avais compris d'où il venait. Et donc, le fait que j'aille vendre ce qu'on appelle en yiddish des schmattes et puces, en fait, c'était la mode rétro à l'époque. Et donc, je vendais, j'avais un très beau stand et je vendais, surtout pour le théâtre, le cinéma, la télévision, des vêtements restaurés. Et donc, je n'allais pas le voir le samedi et le dimanche principalement, puisque je travaillais. Et alors, il me disait cette phrase, oui, tu me fais, arrête avec ça, tu me fais penser à ma mère. C'était donc un aveu intime que sa mère n'était pas actrice. Oui. Parce que vous vous rencontrez à cette émission de télévision, vous sortez des studios de Cognac G à l'époque, et puis vous le voyez sur le trottoir, boulevard Saint-Germain. Non, pas du tout. Non. C'était à Cognac G, donc c'était, je sais plus si c'est l'avenue de la Bourdonnais et l'autre. Hein, il y a trois avenues comme ça, et donc je le vois vraiment, ça m'a saisi. Il devait être une heure ou deux de l'après-midi, l'avenue était parfaitement déserte et on voyait le quai au loin. Et Gary, complètement immobile, c'était là, complètement immobile au bord du trottoir, sur l'arête du trottoir. Et j'ai eu l'image d'un homme qui allait tomber d'une falaise. Enfin, c'était, il bougeait pas du tout. J'avançais tout doucement en voiture. Et c'était donc naturel. Je lui ai ouvert ma portière et il est monté. Sans rien dire. Mais c'était tacite dès le début, comme ça. Je veux dire, il y avait rien de douteux là-dedans. C'était un acte d'amitié ou je sais pas, de solidarité, disons. Il était habillé avec ses bottes de cow-boy. Oui, enfin, c'était des bottes qu'il faisait fabriquer, je sais pas où, en Amérique centrale. Je l'ai jamais. Je sais qu'il portait jamais des chaussures normales. Pourquoi, je ne sais pas. Et il a inventé la mode actuelle d'une certaine manière parce que il portait des sortes de pantalons de battle dress avec des chemises en soie et des vestes en cachemire. Qui devait pas être trop passé chez le teinturier. Voilà, il y avait des contrastes entre la sophistication d'un élément de ses vêtements. Et puis l'autre qui paraissait complètement un peu trash, un peu. Oui, c'était. Il avait un art de se mettre en scène. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il se trouvait atrocement laid. En fait, derrière toute cette façade, il y avait un homme très, très tragique, très malheureux, horriblement, mais en pleine détresse. Et en plus, malgré le fait qu'il consommait des femmes comme ça. Ça ne le rassurait pas. Non, d'abord, il trouvait pas de solution. Les seuls remèdes qu'il trouvait, c'était d'aller voir son psychiatre 3 jours sur 2, et son psychanalyste, de faire parfois des cours de sommeil, et puis d'écrire, de consacrer tout son temps au travail, à la littérature, qui l'aidait à surmonter ce mal de vivre, et puis interrompu par de brèves séances érotiques un peu hussardes, puisqu'il se débarrassait généralement des filles assez rapidement. C'était ça, hein, mais c'était surtout un homme très sérieux. Derrière tout ça, extrêmement sérieux, extrêmement pathétique. Moi, je l'ai vu beaucoup pleurer. C'est rare, vous savez, de voir un homme pleurer. Il pleurait, il était vraiment... Et parfois dans des états où... il était, comment dire, je l'ai vu, catatonique, c'est-à-dire, j'arrivais chez lui, la bonne m'introduisait dans le salon, il arrivait, il s'asseyait en face de moi dans son fauteuil, il me disait pas un mot, et il restait immobile comme pétrifié, hein, j'étais impressionnée. Et au bout d'une demi-heure ou trois quarts d'heure de silence, je faisais mine de me lever et il me faisait un geste de détresse pour que je ne m'en aille pas. Ça pouvait être cela. C'était pas toujours. Mais vous voyez, c'était un homme extrêmement fragile. Et vous, peut-être qu'il a fini par le comprendre aussi, ce qui vous intéressait aussi chez lui, c'était qu'il était un homme de la Seconde Guerre mondiale. Et vous, les hommes qui vous intéressent dites-vous dans votre livre, je ne me permettrai pas, c'est les hommes de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que j'avais le projet d'inclure dans un roman, enfin dans un récit romanesque, parce qu'un récit pur, ça n'existe pas vraiment dès qu'on est écrivain, je voulais parler de Gary et je n'avais pas voulu m'introduire dans la biographie que je lui avais consacrée. Je trouve ça obscène. Je voulais écrire un livre, entre guillemets, scientifique, où je n'apparaissais pas en tant que témoin immédiat. Ça a été difficile, ça, d'ailleurs, non, de vous retirer de l'histoire ? Très facile. Simple objectivité, honnêteté devant... Oui, mais quand on connaît la personne sur qui on écrit un livre... Oui, mais moi, je m'en fie. Là, j'avais à faire un travail scientifique. L'œuvre, les faits, les archives que j'avais pu réunir, les témoignages. Et moi, j'étais là... La dixième roue du carrosse. Mais en tant que personne, en tant qu'écrivain, je pensais depuis longtemps écrire quelque chose. Et ce qui est arrivé ensuite, c'est une suite, en fait, c'est une structure qui s'est faite en évolution. J'ai rencontré ce chef d'orchestre, d'ailleurs, qui a dirigé l'orchestre de Radio France, le national, Sergiu Celibidache, qui était un homme aussi de la Seconde Guerre mondiale. Et le troisième homme, eh bien, c'était donc un des membres de ma famille exterminé. Tout le monde a été exterminé, mais celui-là, on ne savait pas ni comment ni où. C'était le jeune frère de ma mère, qui avait 17 ans, qui était lui-même musicien. Violoniste professionnel, et j'ai trouvé une forme de lien entre ces trois destins. Mmh. D'ailleurs, votre livre commence par le récit que vous faites du jour où vous êtes allé voir le film de Laszlo Nemes, Le Fils de Saul. Oui. Et finalement, Gary arrive après. C'est-à-dire que tant que j'avais ces deux, si vous voulez, ces deux structures qui étaient d'une part Gary et l'autre Celibidache, mais je ne trouvais pas d'articulation logique pour aboutir à aller vers un point. Faut savoir où on se dirige quand on écrit. Et donc, je voulais absolument voir ce film parce que ce que j'en avais lu quand il a été présenté au Festival de Cannes m'avait ébloui. Je m'étais dit, c'est un film pour moi. J'ai beaucoup de raisons pour ça, vu que je suis moi-même une survivante. Et donc, je suis allée à la première projection de ce film. Et quand je suis sortie, j'étais sûre que j'allais écrire ce triptyque. Le film est stupéfiant. Et ça m'a donné l'idée, si vous voulez, de recommencer les recherches sur ce jeune garçon de 17 ans dont on ne savait rien. Oui. Et à ma grande surprise, j'ai trouvé. Mais Romain Gary, lui, a écrit sur la Shoah. Oui, beaucoup. Vous dites qu'il n'a fait qu'écrire sur la Shoah, moi, je pense en fait, que même oui. Si ça ne se voit pas. Si, ça se voit beaucoup, mais les gens dans ne Chien pas Blanc, le voir. Par exemple, aussi. Il y a toujours des allusions. Si vous, par exemple, vous prenez un livre comme Les Mangeurs d'Étoiles, il y a un petit juif qui joue du violon dans un coin. C'est comme Hitchcock, il est toujours quelque part sur le fond de l'écran. Et Gary, bon, dans Les Quatre Ajars, c'est manifeste. Mais La Danse de Gengis Khan, que les Français n'ont pas aimé, c'est un livre sur la Shoah entièrement. Et Les Enchanteurs aussi. C'est l'histoire d'une tribu de Juifs. Il en parle toujours d'une manière ou d'une autre. Il s'arrange pour en parler, sauf dans Lady L. Je crois que Lady L, et puis quelques romans, sur la bombe et tout ça, peut-être pas, mais tout ce qui lui tient à cœur, oui. Mais pourtant, vous, quand vous lui parliez de la Shoah, parce que vous parliez beaucoup de ça, vous en parlez sans doute encore aujourd'hui, il vous disait, arrête de penser en permanence aux Juifs, laisse tomber ça. Et votre mère vous disait exactement la même chose. Oui, alors Romain était vraiment, vous savez, un homme des paradoxes. On fait que de parler de ça. Et il est insaisissable. Et en même temps, il était roué. Mais il me disait quelque chose de sincère. Il me disait, tu vois, moi j'ai écrit un livre sur la Shoah, Gengis Khan, et je me suis cassé la gueule. Et c'est surtout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit cette phrase, ne le fais pas, tu vas briser ta carrière d'écrivain, ils ne peuvent pas nous comprendre. Ils ne peuvent pas nous comprendre. Alors, eh bien, il faisait preuve de duplicité, puisqu'au moment même où je le voyais, il écrivait Les Ajars. Pseudo, c'est un livre autobiographique, si on sait bien le lire, c'est vraiment un livre autobiographique. Donc, avec Gary, c'est compliqué, il faut toujours savoir pourquoi il dit telle chose et pourquoi il fait le semblant de dire telle chose alors qu'il pense le contraire. Donc Les Enchanteurs, ce roman dont vous avez dit un mot tout à l'heure, c'est aussi Une allégorie. Une allégorie. Alors on peut dire un petit peu de quoi il s'agit, hein. Parce que c'est l'histoire assez merveilleuse des pérégrinations à travers l'Europe. Ça se passe sous le règne de Catherine II, d'une troupe de saltimbanques. Et le chef des saltimbanques, qui s'appelle Fosco Zaga, il a hérité de son père la recette d'un élixir de jouvence de haute durée, destiné aux amateurs d'intenses ébats amoureux. Vous dites qu'il y a aussi, comme dans beaucoup de livres, la question juive dans ce livre-là. Il y a des personnages juifs décrits de façon manifeste. Hein. Mais il y a aussi quelque chose qui pourrait faire penser à Alfred Jarry, qui pourrait faire penser au surmâle, à cette idée de vouloir faire l'amour indéfiniment. Oui, mais en fait, ce que Zaga apporte finalement à Catherine II, c'est un purgatif. Hein. C'est l'humour, si vous voulez, puisque l'impératrice est constipée et il va sauver son peuple, enfin, entre guillemets, il va sauver son peuple. C'est plutôt assez drôle grâce au purgatif, puisqu'il va soulager l'impératrice de sa constipation. C'est une façon de raconter la Bible un peu de façon irrévérencieuse, mais moi, je l'ai vu comme ça. Alors, il paraît qu'il s'est inspiré pour ce livre de Pushkin. Enfin, apparemment, les Russes étaient très importants. Non, il disait ça, mais alors, vous savez, pour Gary, j'ai eu la chance de rencontrer une dame extraordinaire qui s'appelle Françoise Navaille, qui était professeure de russe et qui s'occupe de cinéma russe. Et elle avait lu dans un journal que je préparais une biographie de Gary. Et elle m'écrit une lettre en me disant « J'ai donné une conférence sur la fausse culture polonaise, mais surtout russe de Gary. Est-ce que ça vous intéresse de lire ça ?» J'ai dit « Bien entendu, on s'est rencontrés. » Et elle avait fait un travail d'une minutie extraordinaire pour prouver. D'ailleurs, ce qu'on entendait tout à l'heure, la révolution russe, c'était vraiment une opérette, c'était Violettes impériales à Moscou. Enfin, il n'y avait pas un truc qui était fiable. Donc historiquement, il n'a pas lu les grands russes, alors, c'est ça que vous dites? Il inventait même des écrivains qui n'existaient pas. Vous savez, à la fin de l'Ediel, il y a toute une documentation qu'il a faite avec les œuvres consultées pour écrire ce livre sur les anarchistes. Et il n'y a aucun écrivain qui existe et il n'y a aucune œuvre qui existe non plus. C'était un grand farceur. Oui. Mais Gogol, quand même. Il parle tout le temps de Gogol. Oui. Mais bon, quand il fait un emprunt, c'est pas forcément vrai. Il a même pas été ouvrir le livre. Enfin, Gary est comme ça. Ouais. Il est un homme libre et irrévérencieux. Très irrévérencieux. Et c'est aussi un conteur, c'est ce que vous expliquez dans votre livre. Magnifique conteur, parce qu'il a justement cette liberté incroyable. Il se permet d'écrire. Et puis, il lui reste fondamentalement, malgré son apprentissage de l'anglais parfait et du français, son fond de culture juive. Et c'est ce mélange, si vous voulez. Moi, il me fait penser non pas à un écrivain français, mais à un écrivain de l'école juive américaine. Je le verrai du côté de Malamud, vous voyez. Alors, dans votre récit, Les yeux bordés de reconnaissance, vous parlez de ce que vous appelez l'aveu de Gary. Cet aveu, c'est quand il vous a raconté son histoire avec une certaine Ilona. Qui était-elle? Ah, ça, c'est une histoire, vous savez. J'ai un peu l'âme d'un flic pour faire des recherches quand j'écris une bio. Et alors là, ça a été une histoire incroyable. J'ai été comédienne dans ma jeunesse et donc il parle d'Ilona dans plusieurs livres et notamment dans La nuit sera calme. Et il dit, à un moment, il parle d'une comédienne qui aurait été une parente de cette Ilona et qui était venue lui parler d'elle. Et comme j'avais fait du théâtre, ce nom me disait quelque chose. Après des recherches très minutieuses, j'ai trouvé un vieil agent, un vieil impresario, qui était le seul à se souvenir du nom de cette femme. Je l'ai trouvé dans l'annuaire, je l'ai appelé. Et elle m'a dit, je suis la nièce d'Ilona. Mmh. Elle m'a donné le numéro de téléphone de la famille en Israël. Et j'ai parlé en anglais, j'ai pas été reçue très bien. J'ai passé le téléphone à mon mari qui parlait hébreu. Et quelques jours plus tard, j'avais proposé d'aller en Israël sur le champ. Ça marchait pas. J'ai reçu une enveloppe avec tout sur cette famille. Une énorme enveloppe. Et donc cette Ilona, c'est finalement le premier amour de Gary. Le grand amour. Quand il avait 20 ans, le seul amour? Je pense que c'est la femme qu'il avait choisi d'épouser. Et qu'il aimait passionnément et qu'il a recherché après-guerre. Il a fait tout ce qu'il pouvait et il l'a retrouvée. C'est ça qu'il m'a raconté et qu'il a écrit d'ailleurs. Sauf que il a enjolivé, comme toujours dans ses livres. Quand il l'a retrouvée, elle était démente, elle était schizophrène, elle ne l'a pas reconnue. Mmh. Mais il a fini par la retrouver, c'était une survivante de Budapest, il l'a retrouvée à Anvers. Et depuis, dit-il, avec l'amour, j'ai fait comme si. J'ai fait comme si. Je ne sais pas si ça s'était matérialisé, s'il n'aurait pas fait comme si aussi, mais il a fait comme si, effectivement. Merci beaucoup Myriam Anisimov d'être passée nous voir aujourd'hui. Je rappelle votre biographie de Gary, elle est disponible chez De Noël et puis votre récit en mars dernier paru au Seuil, ça s'appelle « Les yeux bordés de reconnaissance ». demain pour terminer cette semaine Romain Gary. Nous recevrons Guy Amselem pour revenir sur la question jamais épuisée des diverses identités de Romain Gary. Mais tout de suite, c'est Jacques Bonafé qui nous lit des poèmes de James Sacré et le fait dialoguer avec Antoine Emaz. Bonjour. Alors pour dire James Sacré, se le représenter en partie, on va prendre quelque chose de mal raconté qui se trouve dans Figure qui bouge un peu, le chapitre 9, le verset 9. On a été paysan, ça veut dire quoi plus qu'un mot? On l'a depuis longtemps, quelque part, comme un caillou dans sa botte, ça gêne un peu aussi. Te peux jouer avec? On m'arrive en tout cas, on fait comme un cœur sali entre les orteils. C'est bien possible que ce soit à presque tout le monde le passé paysan, même à tout le monde vraiment, et peut-être que c'est pour ça qu'on le veut pas penser dans sa misère et ses joies niaises. Entendez-vous pas? Qu'à travers, on se dirait comme très près de l'insignifiance énorme du monde. Quelque chose de mal raconté, neuf. À des moments, c'est comme si plus rien à écrire, et quand même une sorte d'obstination qu'on a pour arranger ensemble des mesures de mots parolés prévient que ce n'est pas fini, malgré que pourtant ça vaudrait peut-être mieux d'en rester là, mal content sans doute, mais qu'est-ce qu'on pourra faire d'autre? Le rythme, les mots familiers repris, ça fait que porter la même question un peu plus loin, ou alors dans cet à peine déplacement de poème, quoi d'autre qui importe? À force d'avoir mal pensé à des choses qu'on a recopiées longtemps, et grande colère contre les vaches après l'école, les mots s'arrangent à peu près dans un poème. Sont-ils plus convaincants dans les discours que chacun tienne avec, on dirait, tant d'assurance? Ton fond paysan réacte, c'est inconscient qu'ils disent. Je comprends pas comment eux savent, j'ai un peu peur avec mon poème et toute l'énormité silencieuse de ces mots qui racontent peut-être des bêtises, mais quand même, qui pensent à des paysans morts. On n'a jamais compté dans la longueur longtemps récitée par tout le monde à l'école d'une histoire confortable de la France. Les gestes qu'on peut faire dans l'espace mal délimité des villages, c'est, qu'on dit dans les livres, les restes des faits d'anciennes coutumes. Ça n'a plus de sens, on trouve un peu triste et navrant ces paysans qui sont en somme comme des espèces d'indiens dépareillés. En fait, on leur trouve toujours la même bêtise et grossière ignorance. En plus, on leur en voudrait presque d'avoir pas su garder pour qu'enfin tout le monde comprenne bien les gestes pleins de sens, paraît-il autrefois la Saint-Blaise, la Saint-Jean, personne n'en pète plus pareil, sans doute n'empêche. Est-ce qu'autrefois c'était pas déjà de mêmes anciens rites défaits qu'avec on faisait la couleur et l'avenir du temps? C'est bien possible que ça soit à presque tout le monde le passé paysan, même à tout le monde vraiment, et peut-être que c'est pour ça qu'on le veut pas penser dans sa misère et ses joies niaises. Entendez-vous pas? Qu'à travers on se dirait comme très près de l'insignifiance énorme du monde, quelque chose comme des mains tendres qui pourraient écraser. Mais sans doute que c'est pas ça qu'on veut retrouver dans son passé paysan. Et comment tolérer que d'aucuns fassent encore dans le paysage mal urbanisé ces gestes de fond du monde? Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.